Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, ben on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant du côté des voyageurs de Jonquière. Ils ont remporté la série contre les Alouettes de Charlebourg. Hier, les voyageurs ont gagné 6-1. Alexandre Laprise a été le lanceur gagnant. Les voyageurs vont affronter soit Québec ou Trois-Rivières. La série est maintenant égale 2-2. Ce qu'on sait, c'est que les voyageurs vont commencer la série à l'étranger. Les Marquis de Jonquière ont annoncé la signature de Danick Paquette, qui a été un choix de troisième ronde au repêchage de 2008 par les Thrashers d'Atlanta. Paquette a joué 7 ans dans la côte Est. Il y a 171 matchs, il a marqué 79 buts et ajouté 92 passes en 324 rencontres. Paquette est surtout reconnu pour sa robustesse, donc ça devrait plaire beaucoup aux partisans des Marquis. Les élites de Jonquière ont complété leur formation en vue de la prochaine saison et on sait déjà que Mikissi Awashish fera partie de l'alignement. Mais ce qu'on a appris hier, c'est que Jérémy Pelchat de Dolbeau-Mistassini va jouer également dans la Ligue Midget 3 cette année. Pelchat a joué quelques parties avec les élites l'an dernier. Les Lynx d'Allemagne de football cadet et juvénile sont aux prises avec un drame qui est survenu au cours des derniers jours. En effet, le préposé à l'équipement Steve Melançon, qui est natif de Girardville, entre autres, a perdu la vie lors d'un accident qui est survenu à Allemagne la semaine dernière. Steve Melançon, qui était en moto, s'est vu couper le chemin par un VUS et évidemment, Melançon est décédé suite à ses blessures. Et en entrevue sur les ondes de danradiosport.com, l'instructeur chef des Lynx, Frédéric Monger, évidemment, se dit attristé par le deuil. On va l'écouter là-dessus. Oui, ben en effet, là, comme tu l'as bien dit, là, Steve, c'était un gars qui s'occupait de l'équipement, c'était sa fonction principale, mais c'était aussi un employé de l'école où il travaillait. C'était un homme à tout faire là, dans l'école, là, aussi bien avec les enseignants d'éducation physique, avec l'équipe de hockey, cadet juvénile, avec les enseignants sur l'étage, nous autres à l'école. Donc, c'est vraiment là, tout le monde le connaissait. C'est un confident pour certains, un ami. C'était plus qu'un collègue là, au niveau des sports. Là, c'était vraiment un ami proche. OK. Monger confirme que c'était une personne qui était proche des joueurs. Là, lui, il y avait c'était vraiment une relation assez proche avec les joueurs, là, dans le sens qu'il était tout le temps là pour les aider. Il disait jamais non. Puis, il était tout le temps prêt à donner un coup de main. Les joueurs avaient du fun avec lui, tu sais, fait que. Et c'était pas vrai, tu sais, pour bien comprendre son implication, il travaillait pas juste avec l'équipe de football, c'était vraiment un employé de l'école au niveau du magasin scolaire. Okay. Il avait géré tout l'équipement, il était à temps plein dans l'école. Là. Ok. Rick Monger parle évidemment de comment on l'a mentionné aux joueurs. Ben en fait là, c'est que c'est arrivé. On l'a su, comme tu as dit, l'accident est arrivé jeudi. Okay. Donc, jeudi, on a averti les joueurs qu'il était arrivé quelque chose à un membre de la famille des Lynx, puis qu'on savait pas son état de santé. C'est sûr que les joueurs ont été ébranlés. Puis, vendredi, on pratiquait pas. Mais nous autres, c'était la rentrée scolaire. Donc, l'école, c'était assez terne, là. Mm. Donc, on a eu une rentrée assez noire. Aujourd'hui, première pratique avec les gars, la plupart savaient déjà la nouvelle, mais j'ai adressé aussi, j'ai confirmé ça aux gars, donc Steve nous avait quittés malheureusement. Les funérailles de Steve Melançon seront célébrées à 11h samedi matin à l'église de Girardville. On va parler également de football. On continue notre tour d'horizon des équipes de la région. C'est que la saison de football collégial débute en fin de semaine. Et hier, on a parlé avec l'instructeur-chef Nick Manachi du côté des Cougars de Chicoutimi. Et Nick Manachi mentionne qu'il y a eu quand même des changements de plan, puisqu'il y a des joueurs qui devaient jouer qui ne joueront pas et ils ont abandonné le football. Satisfait. C'est sûr qu'on a eu plusieurs situations là, qu'on n'aurait pas pu s'attendre. On a plusieurs joueurs qui ont décidé d'arrêter de jouer. Ah oui? On a des joueurs qui ne se sont pas présentés au camp. Donc, on a eu plusieurs déceptions à ce niveau-là avant même de commencer le camp. Plusieurs blessures qui nous rattrapent déjà en début de saison. Donc, je pense qu'on va jouer un premier match un peu en effectif réduit. Il y a beaucoup de précautions là-dedans. Donc, c'est un premier match. Donc, on ne peut pas prendre de chance avec des joueurs qui se sont blessés au camp d'entraînement. Plusieurs déceptions, mais on a vu plusieurs belles choses de la part de nos vétérans, de nos recrues. On a des joueurs vraiment intéressants. On a des beaux jeunes joueurs là, qu'on a vu une progression de l'hiver jusqu'à l'automne. Puis on a des vétérans qui vont être là pour prendre l'équipe en main. OK. Si on parlait un peu des joueurs qui ont... Et dans un deuxième temps, Nick Menacci mentionne évidemment que ça a changé un petit peu la structure de l'équipe et de la façon des stratégies pour cette année. Et tout au tout, là, ça nous a même amené à repenser certains trucs avec les systèmes de jeu. Donc, c'est sûr et certain que ça a amené un chamboulement chez les Cougars avant même de commencer la saison. Okay. Puis, tu sais, même avec les blessures là, que nos joueurs ont subies là, pendant le camp, ben, tu sais, ça nous oblige à déjà trouver des plans B, des solutions. Donc, en même temps, ça nous permet de voir qu'on a une certaine profondeur. Sauf que pour le premier match, ben, on va avoir plusieurs joueurs de première année qui vont être sur le terrain. Là, je veux dire, offensivement, sur 27 joueurs offensifs, on a 7 joueurs qui ont de l'expérience collégiale. Donc, 20 recrues offensivement. Donc, on va prendre le temps qu'il faut, mais on a du talent, on a des joueurs avec un beau potentiel. Donc, on va voir comment ils vont réagir premier match. Dernier temps, Nick Menacci mentionne évidemment qu'il ne veut surtout pas parler de reconstruction. Ben, moi, de reconstruction, bon. C'est parce que c'est comme de placer tout de suite un échappatoire facile à okay. « Ah, on a perdu ce match-là parce que c'est en reconstruction. » Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Okay. On parle pas de ça, on parle pas de reconstruction. On parle d'un mélange de jeunes joueurs puis de joueurs de deuxième, de troisième année. Tu sais, dans notre équipe, on a un joueur de quatrième année. Donc, il reste il y a un gars qui fait une quatrième année, contrairement à des équipes où il y en a 6, 7, 8, là. Nous, on a seulement un joueur de quatrième année. Puis on a, je pense, au total, 7 ou 8 joueurs de troisième année. Donc, on n'est pas une équipe très vieille. On est une équipe quand même assez jeune. Donc, plusieurs vétérans de deuxième année. Chris Victor Véro de Saint-Félicien a pris le cinquième rang lors d'une compétition qui avait lieu au Mont-Lac-Vert en fin de semaine. Victor Véro qui a parcouru la distance en 3 minutes, 22 secondes et 765 centièmes. Son frère William Véro a pris le huitième rang avec un temps de 3 minutes 38 secondes et également 410 centièmes. Victor Véro mentionnait dans Radiosport.com qu'il a chuté au tour numéro 3, ce qui a fait en sorte qu'il a dû un petit peu retarder sa course. Ligue de balle lente de Dolbeau-Mistassini, on est actuellement en pleine série éliminatoire et le métro a défait Sport Expert par la marque de 19 à 18. Actuellement, la série est née par le Sport Expert 2-1 et le Météor a défait Coors Light 18 à 17. Le Météor qui est en avance 2-1 dans la série. Ligue de balle lente de Roberval, ça se poursuivait également hier. Il y avait des matchs à vous dire. D'abord, Intersport a défait Saint-Hubert 21-19, Pièce de Tour-Roussel 19, Zodiac 15 et le Megavac a défait Intersport 14 à 11. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Il y a plusieurs entrevues. D'abord, on a parlé avec Frédéric Mongeau du Drame qui secoue l'équipe des Lynx d'Allemand. On a également parlé avec Nick Menacci, l'instructeur du côté des Cougars de Chicoutimi. Et vous pouvez également écouter d'autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.